Je te tiens, tu me tiens par la marmichette. Le premier de nous deux qui ira aura une tapette. Yeah. Le soir après manger, après une journée de boulot où j'ai bien bossé. Mon voisin n'a pas cette chance, il a dû quitter la France parce qu'il avait pas de papier et que je l'avais dénoncé. Mais ce soir c'est différent, je connerai pas sur mes enfants. Je vais voir Johnny Hallyday aux Champs-Élysées. Avec Maurice et Dédé, on va bien se marrer, la cronambour à la main, en gueulant le refrain. Tu la vois, celle-là. Ma fille restera vierge jusqu'à ses 20 ans. Et si c'est pas le cas, ça se finira dans un bain de sang. Un bain de sang. Monsieur.